Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre étude dans Matthieu. Et on a commencé hier à voir que le royaume de Dieu est sans inquiétude, et c'est ce que nous allons continuer ce matin. Prions ensemble. Notre Père du ciel, tu nous as invités hier à faire un choix entre Dieu et maman. Quand tu nous demandes de faire ce choix-là, il y a deux raisons. Une, tu veux notre bonheur. Deux, tu veux surtout ta propre gloire. Choisir maman, c'est de te rejeter, toi. Donc, Seigneur, donne-nous de comprendre bien que nous avons été créés en tant qu'être humain pour être sous ta tutelle. Nous avons été créés pour te servir et te glorifier. C'est ainsi que notre vie va tomber en ordre, va avoir du sens. Nous allons prendre notre place dans ton grand plan, dans ton dessin, dans ta peinture, si je peux dire ça ainsi. Le péché est souvent décrit comme quelqu'un qui tire une flèche et qui manque la cible. Mais Seigneur, quand nous t'avons comme maître, nous sommes au centre de la cible. Conduis-nous ce matin encore une fois pour bien comprendre pourquoi tu dis « Ne vous inquiétez pas ». C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Donc hier, nous avons été invités à ne pas s'inquiéter et on a vu que l'inquiétude se manifeste dans le texte que nous venons de lire, par le fait qu'on empile des trésors sur la terre. Parce qu'on a peur. On a peur du lendemain. Comme j'ai dit hier, Jésus n'est pas contre la sagesse de planifier notre vie, d'organiser notre vie et de prévoir que l'hiver arrive et qu'il faut amasser de la nourriture. C'est comme le gars qui a un travail saisonnier. Donc, il fait un peu plus d'argent durant la saison estivale, si son travail est estival. Et il sait qu'il doit en mettre de côté parce que l'hiver, il ne travaille point. C'est sage. C'est pas ça dont on parle ici. L'inquiétude ici, c'est on s'inquiète pour ce qu'on ne sait pas. On s'inquiète pour ce qui pourrait arriver. L'inquiétude est une manifestation d'un manque de confiance envers celui qui nous guide, qui nous dirige, qui est notre maître. S'inquiéter, c'est de ne pas avoir confiance au maître. Et nous allons voir ce matin pourquoi Jésus nous dit de ne pas s'inquiéter. On sait comment faire pour empiler des trésors sur la terre. Mais Jésus nous a dit hier, amassez-vous des trésors dans le ciel. Comment on fait ça? Comment on peut empiler des trésors dans le ciel? Mais souvenons-nous ici que nous sommes sur la montagne. Les gens qui écoutent en grande partie ne sont pas des croyants. Ils ne vont jamais le devenir. Et ceux qui sont là, les disciples, ceux qui suivent Jésus, souvenons-nous, le mot disciple n'est pas toujours équivalent de croyant. Mais ils sont là et ils écoutent Jésus. Ils ne comprennent pas toutes. Mais ils vont comprendre au fur et à mesure que Jésus va leur expliquer. Et ils vont comprendre surtout le jour où ils vont recevoir le Saint-Esprit. Donc ce matin, on regarde pourquoi ne pas s'amasser des trésors sur la terre, mais dans le ciel. Lisons, on va lire encore une fois, à partir du verset 19 jusqu'au verset 34. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil de la lampe du corps, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sera grande ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il ira l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et chaque jour suffit sa peine. Donc, il dit, je t'encourage à t'amasser des trésors dans le ciel et à ne pas t'inquiéter. Mais on va ça, hier on a vu de 19 à 24, donc ce matin on va voir 25 et les suivants. C'est pourquoi, je vous dis, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger. Et là, il dit, regarde les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Mais pourtant, votre Père se laisse les nourrir. Je me souviens d'un temps dans ma vie, quand j'étais un jeune croyant, Jésus disait, regardez les oiseaux du ciel. Donc, ce que j'avais fait un paquet de petites cabanes d'oiseaux. J'avais mis ça à l'entour de la maison chez nous. Et je voulais regarder les oiseaux. Mais une chose que j'ai compris, c'est que Jésus n'encourage pas ici la paresse ou l'oisivité. Les oiseaux se lèvent avec les premiers rayons de lumière et ils travaillent toute la journée jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de lumière. Donc, ce n'est pas la paresse ici où il n'encourage pas à rester à rien faire et d'attendre que tout nous tombe du ciel. Mais ce que les oiseaux nous sont donnés ici comme exemple. Ils n'amassent rien dans leur cabane ou dans leur nid pour le lendemain. Quand la journée termine, ils se couchent et ils dorment, si je peux dire ça, et ils se lèvent le lendemain et ils recommencent toute leur vie. Donc Jésus n'est pas en train de dire « Soyez paresseux, ne faites rien, attendez que Dieu vous en donne. » Mais il dit « Faites comme les oiseaux, ils ne s'inquiètent pas. Et votre Père céleste, pourtant, les nourrit. Il s'occupe d'eux. Il s'occupe d'eux. Il dit, vous autres aussi, travaillez, faites ce que vous pouvez pour vous nourrir. Prenez ce qui est autour de vous, ce que le Père céleste vous a donné, ce qu'il a mis à votre disposition, avec les capacités que vous avez, avec les talents que vous avez, avec la capacité physique que vous avez, mais ne vous inquiétez pas pour demain. Ne vous souciez pas de ce qui peut arriver, parce que ce qui va arriver, vous ne le savez pas. On fait des paquets de choses, de projets, et ça n'arrive pas à cause d'accidents, maladies, changements d'horaire, température. Il y a pas quelque chose qui change. Dis, ne vous inquiétez pas pour demain. Fais ce que tu peux aujourd'hui pour toi, pour ta maisonnée, pour ta famille, si tu as une famille. Puis là, il continue, il dit, regardez les listes des champs. Vous vous inquiétez pour le vêtement? Regardez les listes des champs, les fleurs. Sont bien habillées, mieux que Salomon dans toute sa richesse. Dieu s'occupe des oiseaux et des fleurs. Ne va-t-il pas s'occuper de vous à plus forte raison? Vous êtes plus important que les oiseaux. Vous êtes plus important que les fleurs. Dieu va-t-il pas s'occuper de vous s'il s'occupe du pauvre petit oiseau et de la petite fleur? La réponse est bien oui, ça devrait, hein? Qui va s'occuper de son chien et ne pas prendre soin de ses enfants? Avec toutes vos inquiétudes, il dit au verset 27, vous ne pouvez pas ajouter une coudée à la durée de votre vie. Vous ne pouvez pas, par vos inquiétudes, changer quoi que ce soit, rallonger votre vie, améliorer votre sort. Vous ne pouvez pas, par vos inquiétudes, changer l'avenir. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre la vie aujourd'hui maussade, triste, découragée ou abattue, morose, par vos inquiétudes. Si tu veux avoir une influence sur l'avenir, mais tu ne le sais pas, mais tu dis, aujourd'hui, avec la sagesse que Dieu m'a donnée, avec les capacités que j'ai, je travaille, je fais mon mieux, mon possible, pour voir à mes besoins, aux besoins de ma famille, et je planifie de mettre certaines économies pour pouvoir arriver au moment où ce que mon auto va être brisée et je vais la réparer. Donc, on planifie, on fait un budget qu'on appelle. Hein? Mais mes inquiétudes, eux autres, changeront absolument rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas un budget, ça ne veut pas dire qu'on ne planifie pas. On planifie avec ce qu'on pense qui peut arriver, avec ce qu'on croit qui va arriver, avec ce qui normalement arrive. Jusqu'à aujourd'hui, l'hiver arrive, ça s'en vient, là. Hier, je commençais à me préparer pour ramasser mes feuilles. Là, je commençais à me préparer pour mettre mon souffleur sur mon tracteur, puis enlever la tondeuse, parce que l'hiver arrive, normalement. Donc, je planifie. C'est normal, ça, c'est correct, ça. Mais mes inquiétudes, à savoir s'il va y avoir une grosse hiver, à savoir si je vais-tu réussir, verset 32, excusez. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Oups! Est-ce que les non-païens, est-ce qu'ils sont ceux qui sont avec Dieu, ceux qui sont dans le peuple de Dieu, ne recherchent pas ces choses-là? Les païens ici, si je comprends bien avec le contexte, je suis obligé de rappeler ceux qui sont avec maman, ceux qui prennent maman comme Dieu, c'est les païens, ça. Ceux qui s'inquiètent, ceux qui cherchent à empiler, ceux qui veulent contrôler, être le maître de leur vie ou donner à maman d'être maître de leur vie, c'est eux autres qui veulent, qui s'inquiètent pour les choses à manger ou à boire ou les choses pour se vêtir. C'est les païens qui s'inquiètent avec leur maman et leur richesse. Mais vous, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Il sait de quoi vous avez besoin. Si vous avez choisi Dieu pour maître et que vous voulez entrer dans son royaume et que vous êtes dans son royaume, tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Pourquoi? Ton Père sait de quoi vous avez besoin. Comme un enfant se couche le soir et ne s'inquiète pas pour demain. Jusqu'à présent, il y a eu à manger, il y avait une maison, il y avait des parents. Il ne s'inquiète pas. C'est ça qu'on va dire des fois, il dort comme un bébé. Parce qu'il ne s'inquiète pas. Il dit, vous autres qui avez choisi le royaume de Dieu, vous autres qui avez choisi Dieu comme Père, comme Maître, ne vous inquiétez pas parce qu'il sait de quoi vous avez besoin. Alors, attention, il n'est pas en train de dire, soyez paresseux, il ne fait rien. Mais ne vous inquiétez pas. Là, il va nous dire, ce que nous, on doit faire, quelle est notre responsabilité? Au lieu de s'inquiéter, il dit au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, notre rôle à nous, c'est de chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu. Le royaume des cieux, ce n'est pas le ciel ici. Attention, c'est maintenant là, qu'on parle, c'est maintenant. Cherchez maintenant, premièrement. Donnez-lui la priorité. Cherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Faites ce que Dieu vous dit. Fonctionnez avec les principes de Dieu. Cherchez le royaume. Sachez que Dieu règne sur votre vie. Bâtissez votre vie sur Dieu, sur les principes de Dieu. Vivez pour Dieu. Vivez pour la louange de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et ces choses-là, Dieu va s'en occuper. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il va nous donner notre luxe, qu'il va nous envoyer dans le sud, parce qu'on rêve d'être dans le sud, il va nous payer la croisière qu'on veut, il va nous donner notre Rolex et notre gros char. C'est pas ça qu'il est en train de parler ici. Si c'est ça qu'il vous donne, il vous le donne pour la même raison qu'il a donné les richesses à Salomon, pour sa propre gloire, afin que vous puissiez les utiliser pour sa gloire, afin de vous utiliser dans une société pour lui, pour sa gloire, avec ce qu'il vous a donné. Mais ce n'est pas ça que vous cherchez. Attention de chercher Dieu ou le royaume de Dieu pour avoir quelque chose de Dieu. Nous cherchons le royaume des cieux et la justice de Dieu, pour sa gloire, pour l'avancement de son œuvre. Et lui dit, moi je vais m'occuper de vous donner par-dessus cela ce que vous avez besoin. La confiance. Au lieu de s'inquiéter, on fait confiance. Au lieu de s'inquiéter, on croit que notre Père Céleste il va nous donner ce que lui veut bien nous donner. Selon sa sagesse, selon ses plans. Et laissons-lui décider ce qu'il veut nous donner. Nous, on travaille, on fait ce qu'on peut, le mieux qu'on est, on planifie, on organise. Mais laissons Dieu. Il peut nous en donner plus qu'on pense. Il peut nous en donner moins qu'on pense. Mais c'est lui qui va prendre soin du lendemain. Nous, on s'occupe d'aujourd'hui. On fait ce qu'on peut aujourd'hui. Et lui va s'occuper du lendemain. Mais tout ce passage ici, c'est pour nous dire, rentre dans le royaume des cieux. Fais de Dieu ton maître. Cherche son royaume. Son royaume, c'est cherche qui règne sur toi, qui te dirige. Va vers lui pour que ton maître, pour qu'il te dirige, pour qu'il te conseille, pour qu'il te dise quoi faire. Marche dans la justice que lui veut. Et laisse-le décider du restant. Va pas vers Dieu pour essayer de contrôler ta vie par Dieu. Laisse Dieu contrôler ta vie. Laisse-lui décider ce qui va arriver demain. Toi, fais ce que tu peux aujourd'hui. Encore, je répète, je ne suis pas contre les budgets. Je ne suis pas contre planifier, organiser. Mais Jésus est contre l'inquiétude. L'inquiétude est un manque de confiance dans notre Père Céleste, dans notre Roi. Notre Père du ciel, aide-nous, aide-nous. Chaque jour qu'on peut chercher ton royaume et ta justice. Aide-nous à te faire confiance. Chaque jour suffit sa peine. Aide-nous à te laisser le droit et le privilège de gérer demain comme tu le veux. Parce que tu connais l'avenir. Tu sais ce qui est bon. Tu sais ce qu'on a besoin pour te servir, pour te glorifier et pour vivre ici-bas. Aide-nous à te faire confiance. Et quand l'inquiétude va venir, aide-nous de nous rappeler. Ton Père Céleste sait de quoi tu as besoin.